9h, votre réveil matin, c'est Francky. Quand même une Peugeot 307, ça se passe dans le nord de la France. Fabrice qui a acquis cette voiture il y a 16 ans en 2006, et bien il a battu le record 1 million de kilomètres il y a près de 16 ans. Depuis, elle n'a cessé de rouler jusqu'à parcourir l'équivalent de 25 fois le tour de la Terre. Un rapide calcul montre que cet exemple a parcouru en moyenne un peu plus de 66 000 kilomètres par an, ce qui fait quand même 5500 kilomètres par mois. Elle est partie au musée de Peugeot, voilà. Du coup, il a pas eu de nouvelle voiture, hein. Non, Peugeot lui ont pas donné une nouvelle bagnole. Ils auraient pu quand même, hein, franchement. 1 million de kilomètres au compteur, c'est énorme. Maître Gims qui arrive, Gims comme on l'appelle avec Diane pour les souvenirs. Et Louis Bertignac sera la conseillère. Belle journée, bon réveil sous le soleil aujourd'hui, va briller jusqu'à 21 degrés au lever du jour, 9, 8 degrés. Et ça va briller toute la journée. Les orages devraient revenir ce week-end. Hein, c'est la mauvaise nouvelle. Mais bon, on est là avec le rayon sous le sol. Vianney Gims. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes changent les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Bye.

9h, votre réveil matin, c'est Francky. On est là pour vous réveiller tous les matins jusqu'à 9h avec le soleil qui est là. La météo. Et oui, la météo sur l'arc-en-ciel, le ciel est dégagé ce matin. Comme vous pouvez le constater, le soleil vient de faire son apparition. Les températures au lever du jour, 8 à 9 degrés. On va quand même dépasser les 20, 21, voire 22 degrés sur Orléans, Main-sur-Loire, Saint-Yves ou encore Pithiviers. Le réveil avec Francky et la musique dans la peau qui arrive. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. 7h34, histoire de vous emmener au bureau ce matin sur le chantier avec les Holden on Fires. Et puis Boogie Wonderland, ça s'est passé au Portugal, à Nazaré, où l'allemand Sébastien Steiner, qui a surfé sur la plus grosse vague de la planète, 26 mètres de haut, imaginez-vous. Bravo à monsieur l'allemand, ça s'est passé à Nazaré, c'était au Portugal. Un mi-camin, c'est Nicky Jam qui arrive. people party, people happy, people jamming on the party station. Oh, Lord.

Qui est connecté du côté de Saran. Merci Franky. Franky pour ses sons à l'ancienne le matin, ça fait plaisir, ça nous rappelle les années souvenirs, les années club aussi. Alors on est avec vous, c'est Franky dans la radio, on vous accompagne jusqu'à 9h avec le soleil aujourd'hui qui va briller jusqu'à 21 degrés. Oh, ça va être bon. Yanns, après clic clic pompon, eh bien il revient, il y a du soleil, il y a des nanas aujourd'hui, ben voilà, c'est le vent. J'ai pas le saut, mais je veux sortir faire la fête. J'évite les problèmes, les embrouilles, les casse-têtes. Je vais me tailler sous le soleil, emmener ma chérie, mes collègues. Mais du bon son dans mes oreilles, aller là où le vent me mène. Ça se fait toute belle pour sortir toute la night. Ça claque le papel, cocktail, champagne en boîte. Y'a toutes ces bombes qui mettent en avant leurs atouts. Tous ceux qui bougent, qui s'ambiance, qui savent faire les fous. Y'a du soleil et des nanas. Soleil. Aujourd'hui, c'est sûr, jusqu'à 21 degrés. C'est la très très bonne nouvelle. Le nouveau Kinvé qui cartonne. T'étais où t'étais? Eh ben, il est là. C'est loin que je m'en souvienne, telle une girouette, tu suis le vent.

le bail, 8h13, 21 degrés aujourd'hui sur Orléans. Ça fait plaisir de vous retrouver. Pas facile le lundi après avoir passé un très très long week-end. Puis je suis déçu, Saint-Etienne qui descend en Ligue 2. Bah ouais, j'étais fan, fan de Saint-Etienne. Et c'est comme ça, bah voilà, c'est la vie. Et on est là, voici David Guetta. Cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Avec David Guetta, Crazy Ones Love You. On est là, c'est Francky dans la radio, on vous accompagne jusqu'à 9h. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Sexy raffiné, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. Chocolat, café peut-être pour vous. Celle qui souhaite un bon anniversaire à son papa aujourd'hui qui fête ses 61 ans. Bon anniversaire André sur Radar Franciel. 8h21, le meilleur de la musique. Arc-en-ciel. Y'a comme un goût amer en nous, vous. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas de comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert? Chanson écrite pour Daniel Balavoine en 86, juste après le décès au Paris Dakar. Évidemment, France Gall, on adore. On est en direct ce matin sous le soleil. La météo. Et le soleil brillera toute la journée. Je peux vous le dire, ça a démarré à 7-8 degrés. Le soleil qui s'est levé ce matin, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça réchauffe pour bien démarrer cette semaine. Et il sera présent toute la semaine d'ailleurs, jusqu'à au moins vendredi, samedi, jusqu'à 21 degrés du côté d'Orléans, Main-sur-Loire, Saint-Yves ou encore Saint-Privé, Saint-Mémin, Eros Ramazzotti, le meilleur de l'Italie. Ça, c'est pour vous réchauffer. Encore, Forza Italia. Voici le beau gosse, Sebastiano. Una canzone. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Potrebbe trovarla nel cuore, se fait pas du tout, hein, 60 ans passés. Eros Ramazzotti, c'est basta, c'est una canzone. Et Francky dans la radio, je vous accompagne jusqu'à 9h avec le soleil de la radio arc-en-ciel. Et le nouveau Kenji, Girac. חושב עלייך בבא בואי קדימה לאט בימה שחקנית שחודרת לי רק פנימה אוי כפרה דומה לממה שימי ווליום ועכשיו הגן למעלה איזה גנים איזה לוק מרגיש שעוד שנייה הלב שלי רוצה ללכת כל הלילה לחזר בעקבותיה לדבר פה רק עליה להגיד שאני דלוק עליה אני דלוק עליה מומה Como me siento yo con ese modelo, vente pa' acá que yo te bailo que te siento yo. Como me siento yo con ese modelo, vente pa' acá que yo te bailo que te siento yo. Ça sent le soleil ce matin avec Kenji Girac, Bamba Bamba, Darina Victory, vous l'adorez. Cartonne en ce moment la petite, hein. Eh ouais, c'est comme ça, je vais t'aimer. 8h35 sur la radio couleur. Mon amour à jamais, depuis toujours j'étais fou.

Ça dépend. Aujourd'hui, c'est là, ici, on est avec vous jusqu'à 9h. Avec les bons souvenirs, Guillaume Grand, toi et moi, vous et moi, ce matin, on est heureux de vous retrouver. Demain, il sera mon invité, on va parler législative 2022. Yann Chaillou dans les yeux de la radio, 8h42, avec Camélia. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai ni renierai le dîner tous les deux et faire comme si on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs, c'est la triste réalité. Que tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens, il n'aurait rien pu changer. Donc à lui d'aller, mais l'amour est tous ces 9h, votre réveil matin, c'est Francky. On vous accompagne le matin au moins jusqu'à 9h et le soleil est bien là, 21 degrés, 22, ça c'est la très très bonne nouvelle. On espère que vous avez passé un long et bon week-end. Il est avec nous, c'est Jean-Pierre qui se frotte les mains. Oh, c'est quoi, c'est du gel douche? Ouais, c'est... Le gel désinfectant. C'est ça. Ah, je sais même pas que ça existe encore le gel. On a un peu oublié des fois d'en mettre. Non, c'est du gel hydroalcoolique. Ouais, c'est ça. On est heureux de te retrouver, mon Jean-Pierre. Bah oui, c'est réciproque. Ouais, t'es heureux de te retrouver? Ah bah oui, tout le temps. Alors moi, le lundi matin, voilà, je suis même triste quand t'es pas là le lundi, des fois. C'est vrai? Ah, ouais. Des fois, c'est rare. Des fois, ça arrive de temps en temps, mais après, faut bien se reposer aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Mais ouais, j'arrive, c'est vide, y a personne. Ça fait bizarre quand je suis pas là. Ouais. Tout le monde me dit pareil. C'est un manque. C'est marrant ça. Ouais. Le week-end 4 jours, 4-5 jours, t'étais en week-end prolongé toi, non? Ouais, t'as fait comme pas mal. Ah, ouais, comme beaucoup d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs qu'on taffe. Hein. Oui. Bon, aujourd'hui, il va faire beau. Au moins jusqu'à vendredi, samedi, il fait beau, c'est sûr. J'ai regardé sur Météo France, ça va se dégrader. Alors, qu'est-ce que t'appelles faire beau? Est-ce que faire beau, c'est quand il y a du soleil ou il y a du soleil et du vent? Qu'est-ce que tu appelles faire beau? Ah bah moi, c'est quand ça cogne, quoi, tu vois. Ah oui. Là, c'est beau, là. Voilà. Quand le soleil tape, là, quand tu bronzes. Ouais. Là, je vais me faire bronzer un peu cet après-midi, moi. Je vais me reposer au soleil, ça va me faire du bien. T'as bien raison. Bon, l'émission qui va démarrer dans... je vais y arriver. C'est l'émission qui démarre. Oui, 8h50, 9h50, j'allais dire. C'est dur le lundi. Hein. Ouais, belle émission qui arrive au programme avec plein de choses encore. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des locations pour les vacances à Nazareth. T'as parlé de la plus grande vague. 26 mètres, hein, imaginez, ouais, c'est énorme. Qui a mis quelques années avant d'être homologué, là, validé par le Guinness Book. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est bien. C'est un truc de fou, hein, 26 mètres quand même. Je me dis, waouh, la taille de la vague, quoi. Alors, il y a des appartements à louer pour les vacances à Portimão, à Naza, du côté de Nazareth et du côté de Porto. Voilà. Ah, des beaux appartements, là. Si vous voulez partir cet été au Portugal, là. Forza au Portugal, là. Bon, t'as regardé un peu le foot, non? Non. Bah, c'est parti en champ. J'ai vu ce matin. Ça chicore un peu, hein. Voilà. Oh là là, c'est le bord. Eh, les footballeurs, ils sont cinglés, hein. Enfin, tous ces gars. Alors, c'est ceux les supporters. Ouais, ils sont cinglés. C'est terrible. C'est terrible. Je regardais ça ce matin. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois toute cette masse de supporters qui envahit un terrain de foot au Stade de France avec toute la sécu qu'il y a. Au Stade de France, hein. On n'est pas dans le trou du cul du monde, hein. Stade de France. C'est le Stade de France. Ça fait flipper quand même. Ouais, ça devient inquiétant. Moi, j'imagine, tu sais, les mecs qui font la sécurité avec les trucs jaunes là autour, quand ils voient ça arriver, je me flippe, quoi. Moi, je me barre, je dis bon, allez-y, les gars. Cassez tout, arrêtez de nous emmerder, quoi. Puis Saint-Etienne qui descend en Ligue 2. Oh là là, hey, quel club mythique à l'époque avec, comme je disais tout à l'heure, Platini, tout ça. C'est dommage. Non, c'est vrai. C'est triste, hein, Saint-Etienne. Hein. Et, d'ailleurs, il y a un mec qui vient de les critiquer, là, je viens de voir ça sur Facebook, là. Waouh, un ancien entraîneur et joueur de Saint-Etienne, un vieux, je dis pas son nom parce que voilà, mais il les a bien cassés. Hein. Ouais. qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les... Bah, j'aurais bien mis le générique de Saint-Etienne là, de l'époque, mais il n'y a pas Internet, alors... Si, c'est la manivelle à droite. Ouais. Et voilà, t'essaies. Tout à l'heure, je voulais mettre ça, tu sais, le générique, comme ça, m'amuser avec le générique des Verts, parce que j'adore cette équipe. Et je peux pas, j'ai pas, Internet. Donc, tout serait puni. Allez les Verts. Allez les Verts. Oh, Et là, c'est là qu'il va flotter. Voilà. Alors, il a chanté, je le savais. Il arrive dans 8 minutes, Jean-Pierre. Il y a quelque chose à vendre ce matin? Il y a pas une fenêtre? Non, si tu veux, si ça peut t'arranger. Ouais. Dans le cadre de ton activité, pourquoi pas? À faire gagner, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? En PVC. En PVC. Ouais. Parce qu'il y a des fenêtres en bois, il y a plusieurs modèles. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Bah, c'est juste pour savoir. Parce que j'y connais pas grand chose en fenêtre, mais bon. Bon, Jean-Pierre, on y va dans 7 minutes maintenant. Ça marche. On peut parler, on peut y aller quand même, Germain qui démarre à 9h. Et on l'a versé à la radio. Voici G. Rodriguez et la Nueva Estoria. A tout de suite, Jean-Pierre. A tout de suite. Dime que tengo que hacer. Siento los latidos de tu corazón y la suavidad de tu piel. Quiero tu cuerpo que me vuelve loco y no me puedo controlar. Estoy esperando de todo tu amor. Solo tienes que escuchar en la camita encender un fuego y quemar en tus ojos. Tener placer hasta tocar el cielo. Nadie se da tanta como yo. Mi mano en tu pelo, besar tu boquita, botando la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme. Solo mirarte hasta el final. Mi favorita, si no me quieres, mi mente. Si no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía, mi amor. Es el momento de decirte que ya no puedo. Mirar las ondas de tu cuerpo. Necesito en todos momentos. Morenita, morenita, cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Cuando te veo siento tu deseo. Quemar en tus ojos, tener placer hasta tocar el cielo. Nadie se da tanta como yo. Mi mano en tu pelo, besar tu boquita, contemplo la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme, solo mirarte hasta el final. Bonita, bonita, favorita, si no me quieres, dímelo. Si no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía, mi amor. Es el momento de decirte que ya no puedo. Mirar las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita, cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Cuando te veo siento tu deseo. Siento tu deseo, mamita. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Como Nicky de Caín me levanté con la fuerza de la vida. Ta radio soleil dès 7h avec Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Je t'aime comme un fou, dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Baby, I see what's on your mind. I see. You try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were